That's the sound of the police. On a entendu un grand boom. Enfin, tout a pété. La police. C'est de la merde. L'armée. C'est de la merde. La justice. Messieurs les jurés, c'est de la merde. La religion. C'est de la merde. La patrie. C'est de la merde. Le capital. C'est de la merde. Et à moi. Toujours de la merde. Et tiens. Bienvenue à toutes et à tous dans l'émission du magazine Libertaire. Ici, on cause d'actualité des luttes, de la France et du monde qui pue, et on essaye de donner la parole à celles et à ceux qu'on n'entend pas ou peu dans les médias d'habitude. Le Maglib est diffusé tous les mercredis de 12h05 à 13h30 sur JetFM 91.2 et sur jetfm.fr. Comme nous sommes en direct, vous pouvez nous contacter par téléphone pendant l'émission au 02 28 25 23 88 ou nous envoyer des mails sur notre adresse à maglib@riseup.net. Vous pouvez aussi retrouver nos podcasts sur notre site maglib.noblogs.org. Bon, alors dans cette émission, on va faire un crochet par Saint-Nazaire en vous diffusant un son sur les luttes concernant les retraites. Il y aura aussi un billet foutraque au sujet du RIF, ce territoire du Nord Maghreb en perpétuelle insurrection depuis plus d'un siècle. Et d'abord, on va commencer par vous causer des gardiens de la dune du côté de la Vendée. Oui, alors on va commencer par écouter un son sur ce qui se passe du côté de Bretignolles-sur-Mer en Vendée, où il y a des personnes qui s'opposent à la destruction d'une dune et à la construction d'un port de plaisance, donc d'un port de plaisance qui sera situé à l'intérieur des terres. Ils appellent donc Christophe Chabot, donc, qui est maire de Bretignolles et qui est appelé apparemment dans le coin le roi de la véranda. En fait, il veut son port de plaisance. Alors pourquoi le roi de la véranda? Parce que c'est le patron du fabricant de véranda Akena, en même temps qu'il est maire de Bretignolles-sur-Mer. Et en fait, cette personne-là donc travaille depuis 2001 sur un projet assez titanesque. Il veut faire exploser une dune et creuser sur la roche primaire pour réaliser une marina de 915 anneaux, donc pour accueillir les bateaux qui seront dans ce port-là. Depuis 19 ans qu'il est élu, il assure à qui veut l'entendre que le tourisme nautique assurera l'attractivité de cette commune de la côte vendéenne. C'est un projet qui est contesté depuis ses prémices pour des raisons nautiques, techniques et environnementales. Le projet a finalement été autorisé en 2019 par le préfet de la Vendée et des engins de chantier ont vite été envoyés pour entamer les travaux malgré le recours juridique encore en cours d'instruction. Donc c'est des travaux, il me semble que ça a dû commencer en octobre. C'est pour ça qu'il y a eu une grosse mobilisation autour de ce projet-là. Après une manifestation qui a réuni 2500 personnes début octobre 2019, certains des manifestants ont décidé de s'installer sur le site pour s'opposer physiquement à l'avancée des travaux. Ainsi est née la ZAD de la Dune, un village autoconstruit de cabanes situé sur un terrain privé qui est voué à l'expropriation. Aux opposants historiques de la Vigie, donc c'est une association qui est constituée depuis le début du projet et qui agit surtout sur le plan juridique. Donc se sont ajoutées des dizaines de personnes venues des alentours et d'un peu plus loin. Ils et elles se sont baptisés les gardiens de la dune. Et dans ce reportage donc, qui a été diffusé dans le Canu Info du 3 janvier 2020, on va entendre une personne, un marin professionnel, qui nous explique selon lui pourquoi en fait ce projet a des limites et pourquoi il est complètement absurde. Donc c'est un entretien qui a eu lieu avant le rassemblement du week-end dernier, donc le 11-12 janvier. Le week-end dernier, il y a un rassemblement sur le lieu, donc sur le site de la plage de la Normandelière à Bretignolles-sur-Mer. C'était un rassemblement qui réunissait notamment toutes les personnes opposées au projet inutile du Grand Ouest. Donc vous pouvez retrouver les informations sur... Donc le son, donc on va écouter, donc vous pouvez le retrouver éventuellement sur radiocanu.org, donc Radio Canu qui est une émission associative du côté de Lyon. Et les informations relatives donc à cette bataille, à ce combat contre ce projet, donc il y a un site qui est zaddeladunetoutattaché.wordpress.com. Et sinon, j'ai cherché aussi sur le site de la mairie de Bretignolles-sur-Mer, vous avez le projet détaillé donc de ce grand projet que veut absolument le maire. On vous laisse écouter le son. On se trouve à Bretignolles-sur-Mer, sur le lieu qui potentiellement a été retenu pour un port de plaisance à l'initiative de monsieur le maire de Bretignolles, monsieur Chabot, qui l'a fait passer en communauté de communes. Il estime que ce port, c'est le port de 14 communes du pays de Saint-Gilles. Reportage. Je m'appelle Dune, gardien de la dune. Je suis marin, skipper professionnel. Ici, on se trouve sur une dernière plage sauvage et naturelle de Vendée, qui est un site remarquable et qui est une zone Natura 2000. Le projet de port du départ, c'est-à-dire de l'entrée du port au niveau de la base de voile jusque dans les terres, représente 1 km de long pour 965 anneaux. Moi, je suis marin professionnel à la voile. Et on m'explique que c'est un port de plaisance pour les bateaux de plaisance. Sauf que, après réflexion et étude du site, c'est pas possible et il y a plein de raisons. D'un point de vue maritime, il faut savoir que pour déjà faire l'entrée de ce port, il va falloir qu'il explose à la dynamite la roche primaire. La roche primaire, c'est la roche primitive de la planète. Actuellement, à marée haute, on en voit un peu, et à marée basse, c'est toute la vision qu'on a quand on est sur la plage de Bretignolles et qu'on regarde au large. La roche primitive, aujourd'hui, elle protège plusieurs choses. C'est un sanctuaire pour les poissons. Il y a de la langouste, il y a du bar, il y a du maquereau. C'est une zone où ils se sentent bien. Et également, protège ce qu'on appelle le plateau vaseux qui se trouve à 10 km derrière. D'un point de vue de navigation, on prend une houle dominante de nord-ouest et de sud-ouest, une forte houle. L'Atlantique vient se fracasser directement sur nos côtes. Ça veut donc dire qu'il va falloir qu'il fasse une entrée de chenal avec une bouée au sud, puisque de toute façon, à marée basse, il ne va pas exploser toute la roche. Donc, il va nous faire contourner par le sud. Ce qui va poser une problématique, c'est qu'en cas de gros temps, on va avoir une houle de 3 quarts, 2 quarts et 3 quarts arrière qui n'aura qu'une envie, c'est de nous projeter sur ces digues. Moi, en tant que marin, je ne vais pas dans un port où j'ai un risque de me mettre dans les digues. Mon boulot, c'est de ramener des familles à bon port. C'est de la voile plaisance. Ils sont contents de faire une balade en bateau. Je ne peux pas jouer sur l'entrée et la sortie d'un port improbable. Péter en deux une dune, la nature n'aura qu'une envie, c'est de reboucher le trou qui aura été fait. Il nous explique que lui, ses digues vont maintenir et que si jamais il y a du sable qui rentre dans la passe, il va pouvoir l'enlever, comme c'est du sable, le rendre aux plages. Mais ces digues submersibles, elles vont créer des nouveaux courants, elles vont créer un système de tourbillon qui va faire qu'à terme, le sable va disparaître au profit de la vase. On a deux exemples catastrophiques sur les côtes. La plage de Saint-Brévin avec le port de Saint-Nazaire, l'estuaire de la Loire, c'est ni plus ni moins qu'une plage de vase. Et on retrouve le même phénomène au sud de La Rochelle, où le port des Minimes, quand il a été fait, a fait que la plage de Châtelaillon, à je crois 4-5 km, se retrouve aujourd'hui d'être une plage de vase. Mais lui nous explique ici que tout a été fait pour que ça reste tel quel. On ne peut pas couper en deux une dune dans un axe qui est l'axe où la tempête Xynthia a fait des morts en Vendée, des morts en Charente. C'est une ouverture à laisser rentrer l'océan dans les terres, sachant que les terres qu'il veut récupérer pour fabriquer son port, c'est des terres qui sont sous le niveau de la mer. On n'a pas d'eau en Vendée et à 600 mètres du port, il y a un bassin qui représente 340 000 mètres cubes d'eau douce. C'est un génie parce qu'il a décidé de vider ce bassin pour mettre toute la dune et la roche primaire qui va exploser pour faire son port. On appelle ça l'ancienne carrière parce qu'à l'époque, la roche primaire était exploitée. Ça a servi à construire les routes en Vendée. Ils ont dû arrêter à un moment donné d'extraire cette roche pour des raisons techniques. Ça faisait des micro-fissures à 3 km dans les maisons dans le bourg. Et il veut nous péter sur 15 ou 18 mètres de profondeur la roche primaire devant la plage pour faire son entrée de port en disant que ça n'aura aucun impact sur les maisons aux alentours. Alors pourquoi on a arrêté l'extraction de l'ancienne carrière? Et puis le dernier point, quand on creuse à 10, 15, 18 mètres de profondeur et qu'en dessous il y a les nappes phréatiques, c'est mettre en contact de l'eau de mer avec de l'eau douce et je crois que ça donne de l'eau saumâtre. C'est génial compte tenu que la Vendée en 2019 a été un des premiers départements de France à être en zone rouge sécheresse. La communauté de communes paye déjà un port qui s'appelle Saint-Gilles-Croix-de-Vie qu'il faut tous les ans draguer à cause de la sédimentation. Sédimentation qui est très limitée du fait d'une chasse en haut du port qui s'appelle la Vie, une rivière qui rentre dans le port et qui sort. Donc sur 100% de sédiments qui rentrent dans le port de Saint-Gilles, 95% naturellement grâce à la chasse est évacué. La campagne nous coûte 450 000 euros par an et on est propriétaire de la barge. Et je peux vous donner ces chiffres, je fais partie depuis 8 ans de la commission de surveillance du dragage du port. Un port pris 100% dans les terres sans une chasse, ça n'existe pas. Et lui nous explique que les sédiments, ils resteront dehors. Non, monsieur Chabot, je ne suis pas d'accord avec vous. Et ce n'est pas vos copains qui, par complaisance, vous rendent des études favorables. Et il y en a très peu qui vont me faire dire le contraire. Quand on sait que la sortie nationale, la moyenne nationale de sortie d'un bateau, c'est 7 jours. 7 jours, ça veut dire que des bateaux qui sortent 6 mois, il y en a qui, pendant 3 ans, ne sortent pas. Il parle d'un problème de place dans les ports en France. Il a raison, il manque 5000 places pour bateaux sur la façade atlantique. Mais si on changeait la législation quant aux bateaux qui ne sortent jamais, mais quand je dis jamais, c'est jamais, qui sont des bateaux apéro, ce qu'on appelle nous des bateaux apéro, on se retrouve avec de la place et beaucoup de place. Donc il y aura des bateaux. Ça, il n'y a aucun problème. Les 965 anneaux seront occupés. Maintenant, est-ce qu'ils sortiront? C'est une grande question. Est-ce qu'on a besoin d'un nouveau parking à bateau pour prendre l'apéro? On lui a fait des propositions, ce qu'on appelle des ports à sec. Un port à sec, c'est les bateaux, ils sont entassés dans un hangar ou entassés en extérieur et on en a besoin, on appelle. Ils le descendent sur une cale ponton et on l'utilise et il est regaré. Mais c'est apparemment pas assez noble pour lui. La lutte, elle a démarré il y a 17 ans avec une association qui s'appelle La Vigie Bretignolle qui n'ont de cesse que de mettre devant les tribunaux toutes les études qui ont été faites par des indépendants et des professionnels qui considèrent que c'est une aberration de casser un site remarquable, de faire une brèche dans une dune qui est le seul rempart pour protéger la population qui habite derrière. Et donc la Vigie, eux, depuis 17 ans, milite contre ce projet. Faut savoir que ces gens-là, c'est des anciens. Ils sont très à cheval administrativement parlant. Et ils ont organisé beaucoup de manifestations. Il y a eu une manifestation le 6 octobre qui a quand même réuni 2500 personnes, plus de 2500 personnes sur le site. Et dès le lendemain, les travaux ont commencé. Malheureusement, nos copains de la Vigie, les papis, les mamies, ils ne pouvaient pas combattre les engins de chantier. Et nous, les enfants et petits-enfants des anciens, on a dit qu'il fallait faire quelque chose. On a eu des exemples de ZAD qui ont marché, de combats qui ont marché, et toujours dans les Pays de la Loire, à Notre-Dame-des-Landes. Et on s'est dit qu'on était capable, nous aussi, de montrer en occupation du terrain qu'on n'était pas d'accord. On occupe le terrain, on veut que les recours il soit donné. Il y a des recours aux tribunaux, on les attend. Il est hors de question qu'il commence dès aujourd'hui à faire son trou alors que les tribunaux ne sont pas prononcés encore sur tout. Et actuellement, et grâce à notre action, donc le 6, c'était la manif, le 7 et le 8, il a commencé à éclater la dune, à arracher tous les arbres qui protégeaient la dune. On peut le voir, je te parle à côté des arbres qu'il a coupés. Dans la même semaine, on a été survolé par l'hélicoptère. On pense qu'il y avait sans doute le préfet, voire son chef de cabinet qui devait être à bord, puisque jeudi après-midi, il a ordonné l'arrêt des travaux en attendant que les recours tombent. Donc aujourd'hui, M. Chabot nous pointe du doigt, nous dit qu'on est des professionnels européens de la ZAD. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, j'ai 50 ans. Je fais de la voile ici, j'ai plaisir à faire de la voile, du kitesurf, j'utilise ma plage au maximum et j'en profite au maximum. Je ne suis pas un voyou comme il me le montre, je ne suis pas un jeune chômeur qui me paye des vacances gratuites comme il le dit. Il nous fait passer pour tout et n'importe quoi, mais on se rend compte que la population locale n'est pas dupe. Que les papis et mamies qui étaient ni pour ni contre, bien au contraire, mais on ne va pas embêter monsieur le maire, on va le laisser faire son projet, se rendent compte qu'ils n'avaient pas eu la bonne explication, qu'il a vraiment fait déjà des gros dégâts, nous soutiennent depuis le 7 octobre. Le village de la ZAD que tu as visité, il a été construit intégralement avec du soutien extérieur par des anarchitectes copains, menuisiers, il y avait tous les corps de métier. On a en 3 semaines monté un village de résistance sur un terrain privé. C'est une personne qui est expulsable parce que son terrain, c'est un emplacement de ponton. Il lui a proposé 965 euros d'indemnité pour 1000 mètres carrés. C'est juste la honte. Enfin, c'est prendre vraiment les gens pour des imbéciles. Le village s'est très très bien organisé. Après, effectivement, le soutien extérieur, c'est aussi des copains qui ont investi d'autres lieux, d'autres bâtiments, qui ont construit un peu partout des cabanes, effectivement. Mais c'est que sur des terrains qui, de toute façon, au final, seront ce port. Donc nous, on n'est pas d'accord. On luttera jusqu'au bout pour faire en sorte que ce projet n'aboutisse pas. Mais ce n'est pas nous, les 25-30 habitants en permanence, en rotation sur le site, qui allons gagner. C'est l'opinion publique qui va faire craquer le préfet, qui va faire craquer. Nous, on est juste en occupation pour plus qu'ils reviennent avec ces engins de chantier, la gendarmerie et les agences de sécurité. On est prêt à discuter avec des personnes qui sont pour le port, mais on n'a pas encore eu de gens avec des arguments, mis à part économiques. Économique, économiquement, quand il restera plus que de l'argent sur la terre, on mangera notre argent. Qu'est-ce qui va se passer ? L'argument économique n'est pas aujourd'hui un argument recevable. Les exemples sur la côte française, que ce soit en Normandie, en Bretagne, de la montée des eaux, des falaises qui s'éclatent, des maisons qui tombent dans l'océan, parce que la montée des eaux, c'est une réalité, parce que les dunes, elles sont fragiles et que l'océan grignote chaque année. Le trait de côte en France, sur la façade atlantique, recule d'un mètre par an. Hors tempête. Donc potentiellement, c'est un port à court terme, dans 30 ou 40 ans, il n'y aura plus de port. C'est pas possible. Les gardiens de la dune, comme on aime à se faire rappeler, parce qu'on est juste là pour protéger la dune, on a déjà rouvert aux touristes 3 fois la piste cyclable qui se trouve derrière les dunes, parce que avec les dégâts qu'il a fait de couper tous ces arbres, on peut constater, même, regarde avec moi, tu vois, les barrières en haut, et on a perdu à peu près 1 mètre, 1 mètre 20 de hauteur de dune, parce qu'il n'y a plus d'arbres pour retenir. Donc on a décidé une fois de plus de faire un appel à la population, de venir nous retrouver le 11 et le 12 janvier avec les sapins de Noël. Et on va refaire comme les moines l'avaient fait il y a 600 ans. On va essayer de remettre tous les sapins de Noël de telle sorte que ça bloque l'érosion de la dune, parce qu'on a pris déjà 4 gros coups de vent depuis 2 mois et demi, beaucoup de pluie, et donc malheureusement, en termes de hauteur, par endroit, la dune elle est tombée de 1 mètre, voire même peut-être au milieu, là, 1 mètre 50, hein, comme on peut voir là. Thank you.

La virtualité, oubliée qu'elle est, s'est fait engloutir sous la gigantesque masse de notre monstruosité, bien réelle, sans besoin d'augmentation cette fois. Ainsi donc, l'Australie et l'Amazonie brûlent de mille feux, pendant que dans le même temps, on s'échauffe avant le début d'une potentielle troisième guerre mondiale. Tout cela sous nos yeux ébahis. La tension à son paroxysme. Alors même que le spectacle n'a aucun intérêt, puisqu'on connaît déjà le dénouement. On sait très bien qu'à la fin, le bateau, il coule. Il y en a qui disent que c'est pas sûr, qu'on peut encore tout à fait éviter le naufrage. Mais entre nous, on sait bien qu'on ne fait rien pour empêcher le désastre. Au contraire même. Alors par contre, oui, on peut aller interroger notre désir de catastrophe. D'où nous vient-il celui-là? Et cette fascination pour le chaos qui vient, est-elle à mettre en relation avec notre chronique inaction? Tout cela n'a pas toujours été. Il fut des temps où des peuples se sont levés pour faire face, ensemble, à l'adversité. Le contexte n'était pas le même, bien sûr. Mais combattre pour sa survie et sa liberté, quelle que fût l'époque, cela s'est toujours résumé à risquer de perdre tous ses acquis pour un idéal incertain, mais certainement meilleur. Et ce choix, les habitants du Rif l'ont fait, eux. Le Rif, c'est cette région du nord du Maroc, bordée par la mer Méditerranée, et habitée majoritairement par une population berbérophone, éparpillée en une multitude de tribus. Tribus ensuite reconstituées en différentes ethnies, telles que les Rifins, les Jbala, les Gomara ou les Sanancha d'Esraïr. Pour se situer dans l'espace, cette zone du Rif se trouve sur la côte africaine, au sud du détroit de Gibraltar. Elle fait donc face à l'Espagne, sur plusieurs centaines de kilomètres. Et c'est d'ailleurs de ce fait-là, de cette situation géographique, que découleront les malheurs des habitants du Rif à partir de la fin du 19e siècle et du début du 20e. En fait, pendant des siècles, les habitants du Rif n'auront de cesse de combattre leurs oppresseurs. Tout d'abord entre clans, puis contre les souverains de l'ancien Maroc, qui des siècles durant tenteront d'imposer leurs lois sur le Nord. Ensuite, s'en viendront les Européens, et principalement les royaumes espagnols et portugais, et cela dès le 15e siècle, avant qu'enfin l'alliance de tous ses ennemis ne vienne parachever l'œuvre d'une oppression totale. C'est ainsi que tour à tour persécuté, puis libéré de ses envahisseurs, le peuple du Rif va peu à peu construire sa légende, fondée sur son éternelle insoumission. Mais que valent les mythes, à l'heure cartésienne de la colonisation? Pas plus que l'innocence, pas moins que l'espoir. De cet espoir indicible et essentiel, pour qui compte s'en prendre un jour à Goliath. Pour les habitants du Rif moderne, Goliath a la peau blanche, des inspirations colonialistes et de terribles armes de fer. Et pour eux, l'histoire s'accélère particulièrement à la fin du 19e siècle. La colonisation bat alors son plein depuis plusieurs décennies déjà. Mais certains territoires, comme le Rif donc, restent encore hors de contrôle des puissances occidentales en présence, dont la France, l'Espagne, la Grande-Bretagne ou même l'Allemagne. L'objectif des colons, principalement français et espagnols, s'apparente ici à soumettre les tribus berbères afin de sécuriser leurs ports édifiés sur la côte nord-africaine. Ce qui se conjugue plutôt mal avec les populations en présence, qui souhaitent, elles, étrangement, conserver leur liberté, leur mode de vie et leur culture. S'ensuivent alors logiquement une kyrielle d'affrontements sporadiques, et d'abord indépendants, mais qui dégénèrent très vite, de 1900 à 1910, en une lutte armée organisée, structurée, autour d'un harcèlement des troupes ennemies par la population locale insurgée. En attendant, malgré quelques victoires de prestige, les ethnies berbères ne réussissent pas à se débarrasser une bonne fois pour toutes ni du sultanat marocain, pourtant alors en pleine déliquescence politique, ni des forces coloniales. Au contraire, l'affaiblissement des sultans successifs oblige ces derniers à octroyer toujours plus d'avantages aux puissances coloniales. Avec le traité de Fès, conclu en 1912, apparaissent donc les protectorats français et espagnols, élargissant les zones d'influence des deux pays sur le territoire marocain. Traité signé avec le sang des insurgés de Fès, que l'armée française écrase pour mieux fêter sa toute nouvelle expansion coloniale. Dans le Rif, même si on n'a pas encore vu pointer le bout des fusils des colons, on a très bien compris que cette nouvelle expansion européenne annonce des jours sombres pour toute la population. Et c'est ce qui pousse un ancien journaliste, qui avait notoirement collaboré avec l'administration espagnole, à se révolter en 1915 contre le colonisateur. Abdelkrim, c'est son nom, s'inscrit alors dans une longue lignée d'insurgés berbères, parmi lesquels Mohamed Amezian ou encore Mouaouamaou Zayani, tous deux précurseurs des luttes anticoloniales au Maroc et qui mourront au combat. Mais Abdelkrim, lui, va réussir là où ceux qui l'ont précédé ont échoué. Entre 1915 et 1921, il va ainsi fédérer avec succès une grande partie des ethnies du Rif. C'est à ce moment-là que les autorités espagnoles décident de régler le problème rifin définitivement. Durant l'été 1921, elles décident donc d'envoyer tout leur contingent militaire présent au Maroc, avec à leur tête le général Manuel Fernandez Silvestre, dans le but de mater la rébellion berbère. Fort d'une réserve de 20 000 hommes, armés de 36 canons, 26 mitrailleuses et 6 bombardiers, ce dernier se voit déjà auréolé d'une victoire facile, gagnée en quelques semaines. Et après les premiers jours de combat, l'avancée espagnole ne lui donne pas tort. Mais c'était sans compter sur les qualités de fin stratège d'Abdelkrim et des 3000 combattants qui l'accompagnent. Ceux-ci vont contre-attaquer dans la ville d'Anual, lors de ce qui restera dans les mémoires comme l'un des pires désastres militaires espagnols. L'armée est en effet mise en déroute et le général Silvestre, ne réussissant pas à organiser de colonne de secours, préfère se suicider. Privés de commandement, les troupes coloniales vont alors connaître un sort funeste, avec plus de 13 000 morts en l'espace de quelques jours. Cette défaite cinglante des forces coloniales est la première depuis la bataille d'Adwa en 1896, qui avait vu l'armée italienne être défaite face aux combattants éthiopiens. Mais ce qui marque l'opinion publique mondiale, cette fois, c'est qu'il apparaît clairement qu'une armée classique et formée peut être battue face à un petit groupe légèrement armé et très mobile, jetant ainsi les bases de la toute nouvelle guérilla contemporaine, dont nombre de tacticiens révolutionnaires s'inspireront par la suite, parmi lesquels Mao Zedong, Guevara ou Ho Chi Minh. Autre conséquence, politique cette fois, alors que la défaite d'Anual plonge l'Espagne dans une dictature militaire, la large victoire berbère va à l'inverse permettre à Abdelkrim de fonder en 1923 la République confédérée des tribus du Rif, une première dans un contexte colonial. Indépendante, dotée d'un parlement et d'un gouvernement, cette république va se structurer autour d'organes démocratiques et tentera même l'expérience de l'autogestion rurale. Alors qu'Abdelkrim essaye de faire reconnaître son pays par les autres puissances, et notamment auprès de la SDN, la Société des Nations, l'ONU d'alors, ces dernières vont lui répondre d'une toute autre manière. Car pour les Européens, tant que le Rif reste insoumis, la guerre n'est pas finie. L'Espagne d'abord va se venger de l'affront d'Anual, en larguant par avion, entre 1921 et 1927, des milliers de tonnes par jour d'armes chimiques, telles que du phosgène, du diphosgène, de la chloropicrine et du gaz moutarde. Et cela directement sur les populations civiles, les lieux d'échange marchands et les cours d'eau. Aujourd'hui encore, plus de 100 ans après, les effets de ces largages se font encore ressentir sur les populations du Rif. La reconnaissance de ce crime a été proposée en tant que projet de loi au Parlement espagnol en 2007, mais fut rejetée à une large majorité. Mais bon, revenons aux années 20, car les déboires du Rif sont encore loin d'y être achevés. Une alliance des armées françaises, anglaises et espagnoles va voir le jour, dans le but, toujours, de venir à bout de la résistance berbère. Car la crainte de voir les puissances européennes perdre le contrôle sur la totalité du Maroc se fait de plus en plus grande. Cette alliance va notamment permettre à un tout jeune commandant, un dénommé Francisco Franco, d'y faire ses premières armes. Elle souscrit aussi au débarquement en 1925 d'un certain Pétain, qui n'est encore que général de son état, accompagné qu'il est de plusieurs milliers d'hommes, ainsi que de centaines de chars, d'avions et de pièces d'artillerie lourdes. Les empires coloniaux ont désormais toutes les cartes en main pour liquider la résistance rifaine. D'autant que cette guerre du Rif devient dès lors l'occasion pour les Occidentaux d'y tester les nouvelles théories stratégiques contre-révolutionnaires portées par l'armée française. Et cela en guise de répétition générale, quelques décennies avant qu'elle ne soit réellement parachevée et prête à l'emploi sur les territoires voisins d'Algérie. L'utilisation d'armes chimiques encore, les massacres des populations civiles, plus de 150 000 morts, la torture suivie de l'assassinat des opposants politiques, la terreur systématique et les pratiques génocidaires vont pousser Abdelkrim à cesser le combat et à se livrer à l'ennemi pour sauvegarder ce qu'il reste du peuple du Rif déjà rudement éprouvé. Abdelkrim, lui, sera déporté avec les siens en 1926 jusqu'à l'île de la Réunion, d'où il s'enfuira 20 ans plus tard afin de rejoindre l'Égypte où il fondera le comité de libération pour le Maghreb avant d'y mourir en 1963 après avoir été enfin le témoin de l'indépendance des anciennes colonies nord-africaines. Mais pour les berbères restés sur le territoire du Rif, les souffrances continuèrent encore longtemps. Soumis à la pauvreté et à la famine, beaucoup d'hommes furent enrôlés de force ou à coups de promesses de fortune future dans l'armée franquiste. Entre 60 000 et 180 000 hommes furent ainsi rapatriés en Espagne grâce aux avions d'Hitler et utilisés comme chair à canon à partir de juillet 1936, dans le but d'abattre la République. Beaucoup mourront, quant aux autres, ils retournèrent chez eux, aussi pauvres qu'avant, à la fin d'une guerre qui n'était pas la leur. D'autres soubresauts viendront encore émailler le fleuve agité des habitants du Rif.

On est de retour dans l'émission du magazine Libertaire sur Jet FM 91.2 à Nantes et jetfm.fr sur Internet. On va maintenant parler du mouvement des retraites, du mouvement en cours contre la réforme des retraites. Et pour ça, je vais vous passer deux sons. Un premier son qui est un pot pourri, mais alors vraiment pourri, quoi, bien pourri, de discours médiatiques et politiques qu'on a pu entendre dans les médias. Vous pouvez aussi vous amuser à faire ce genre d'exercice, c'est pas très dur. En fait, il suffit de piocher au hasard des bouts qui parlent de ce mouvement dans les médias et vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de chances de tomber sur, on va dire, sur de la merde. Et du coup, voilà. Enfin, en tout cas, dans les médias qui sont les médias dominants. Le deuxième son, ça sera un extrait de l'actualité des luttes qui date du 8 janvier et ça parle de du mouvement des retraites à Saint-Naz, en tout cas d'un des aspects du mouvement des retraites à Saint-Naz, à Saint-Nazaire. Voilà, bon, on vous laisse écouter et on se retrouve dans une petite demi-heure dans le magazine Libertaire. Quand on regarde les grévistes aujourd'hui, on est à 0,20% des salariés en France qui sont en grève. 0,20%. C'est tout sauf un mouvement social. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens modestes qui prennent l'avion pour aller travailler et qui pour voyager avec leur famille. Mais c'est pas que un transport de riches. Dans un cadre démocratique, il y a une chose que je ne peux pas accepter, c'est la haine, la violence et l'irrespect. La haine, la violence et l'irrespect, on a le droit de le faire dans une dictature. Nous sommes dans une démocratie. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je trouve ça bien d'ouvrir le système à la capitalisation. Alors, on va commencer par ces personnes, mais moi, pour moi, il faudrait l'ouvrir pour tout le monde, parce que de toute manière, on sait très bien que le système par répartition est voué à l'explosion. Les masques tombent, là, ça y est. Comment ? Les masques tombent, ça y est, c'est une conception différente de la, solidarité mais nationale. Mais moi, je ne trouve pas que... Non, mais attendez, je déteste ce mot de solidarité. Enfin, excusez-moi, mais c'est vraiment le mot fourre-tout. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on veut dire quelque chose. Benjamin Abin boit du petit lait pendant votre débat. On va le retrouver dans un instant. C'est la solidarité. Mais qu'est-ce que la solidarité ? Enfin, à un moment, il faut se poser la question. Parce que c'est vrai qu'on entend toujours parler de solidarité. Les inégalités. Qu'est-ce que la solidarité ? Est-ce que c'est tout faire vivre les. Bon, je vais laisser. Non, mais juste 20 secondes. On est chez les fous. Quel droit a Philippe Martinez pour bloquer la France ? Non mais j'ai jamais voté pour lui, d'accord. Il est élu au sein d'un syndicat. Il entretient d'ailleurs des positions et il a quand même des propos qui sont plus que limites. Je pense que s'il y a davantage quelqu'un qui oppose les gens, c'est peut-être davantage Philippe Martinez qu'Emmanuel Macron. Et il n'a une fois de plus aucune légitimité. C'est qui Philippe Martinez dans ce pays pour aller emmerder les gens qui veulent bosser ? Pour le coup, on attend impatiemment la concurrence. Mais je vais te dire, mais vraiment, faut que ça arrive vite parce que les gens fassent grève. Moi, c'est un droit. Que les gens décident de contester des réformes d'un gouvernement, ils ont le droit. Mais du coup, s'il y avait de la concurrence, on leur dirait « Tu fais grève ? Bah, c'est pas grave, on va prendre un autre transport. » Sauf qu'on est à leur merci et en plus, c'est nous qui payons. Ouais, cerise en fait, sur le gâteau. Tu rêves un peu sur la concurrence, parce que la concurrence, ils sont pas automatiquement concurrentiels sur les mêmes lignes. Dans quel pays au monde tes impôts financent des structures comme la SNCF, dans quel pays au monde tu payes et en plus de ça, les mecs qui te rient au nez et ils te disent tu n'iras pas travailler. Des cheminots tout à l'heure dans les locaux de Black Bloc à Paris. C'est l'opération Sauver Noël à 10 jours tout pile du réveillon. Impossible de savoir si les Français pourront circuler librement pour rejoindre leurs proches. Alors du côté de la SNCF, on essaie de ramener les grévistes à la raison. Je crois qu'il y a des moments dans la vie d'une nation où il est bon aussi de savoir faire trêve pour respecter les familles et la vie des familles. Chacun comprendra que la trêve ne veut pas dire l'acceptation ou l'abandon, mais simplement l'esprit de responsabilité et le respect dû aux Françaises et aux Français qui parfois sont séparés et veulent se retrouver dans ce moment des fêtes. Mais dans un pays mature, Amélie Carouère, dans un pays raisonnable, quand un projet arrive sur la table et qu'il ne met pas d'accord tout le monde, ça peut arriver, ça arrive dans tous les pays. La première chose ne consiste pas à faire grève et à bloquer le pays. C'est grave, l'heure est grave. Les gens, il faut qu'ils arrêtent, c'est terminé. Il faut mettre un pouvoir en place où tout le monde va gagner 1000 euros, celui qui devient riche sera décapité. C'est vraiment très grave. Moi, je suis vraiment très inquiète. Si on compte vraiment, si vous faites aujourd'hui une carrière complète, que vous êtes aux 35 heures de votre temps éveillé, parce que je compte votre sommeil évidemment, vous n'avez travaillé que 15% de votre vie. 15%. En réalité, on n'est pas du tout. Mais je dis juste que on n'est pas du tout dans la civilisation où on meurt en travaillant. C'est Anas Kazib. Anas Kazib. On va juste, on va laisser Fadi Amel conclure parce que là on ne s'entend plus. C'est du terrorisme verbal. Allez, je vous laisse, madame. Bon, alors là, ça va un peu. Terrorisme verbal. Je ne vais pas dire du terrorisme. On vous corrige sur quelque chose. Rassemblement national. Voilà, il y a l'équation Rassemblement national. Anas Kazib. Vous êtes des alliés. Vous êtes verbal. Alors, vous êtes des alliés bon, objectifs. C'est dommage. Je voulais dire, c'est dommage, monsieur, je ne peux pas discuter sereinement sur ce plateau. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Je n'ai pas terminé ma phrase. Alors, c'est pas de ma je vous réponds. Bon, je ne vais pas faire durer le suspense. Le flic a été relaxé totalement. Si les patrons, les moyens qu'ils ont aujourd'hui, ils ont les lois avec eux, les médias avec eux, le gouvernement avec eux. On est là à des revendiquer nos droits et nos valeurs, nos respects. Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez l'actualité des luttes. Comme tous les jours, du lundi au vendredi. De 12h30 à 13h30. Sur FPP. Fréquence Paris Pluriel 106.3. On regroupe les collègues, on arrête de travailler, on discute. Le salarié est vu comme une machine, donc il ne doit pas se rebeller, il ne doit pas avoir d'état d'âme, il doit juste produire et fermer sa gueule. L'actualité des luttes est une émission d'information qui donne la parole aux acteurs des luttes. Ah oui, c'est bien, parce que là, ça dérange. Ah oui, ça dérange sérieux. Mais il faut persévérer, il ne faut pas s'arrêter à une action. Nous ne lâcherons pas cette police tant qu'elle aura un traitement inhumain et dégradant à l'égard d'une partie de la population. Il y a eu la parole aussi, la parole donnée aux gens. Là, c'était plus TF1 et tous ces blaireaux de médias, là. Cette justice à géométrie variable, elle est inadmissible. Et c'est normal qu'elle produise de la colère. On en a marre, croyez-nous, on en a marre de se faire expulser d'un endroit à l'autre, messieurs. Ça fait des allures de fête qui dégénèrent. N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un mail à contact@actualitedeslutte.info. Actualité au singulier, bien sûr, lutte au pluriel. Vous pouvez nous envoyer vos initiatives, vos appels à manifestation, rassemblements, vos textes d'analyse. En n'oubliant pas de laisser vos coordonnées pour que nous puissions vous joindre et vous inviter dans l'actualité des luttes. Parce que pour moi, la convergence des luttes, c'est ce qui amènera le changement. Pas en restant en autarcie, là, sur nos petits, avec nos petites idées, dans nos petits coins, que ça changera les choses. Si on n'est pas ensemble, ça ne marchera pas. Vous retrouverez toutes nos émissions sur actualitedesluttes.info. Je pense pas qu'on aura nos places si on change pas le système radicalement. Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue aujourd'hui en direct dans cette émission du 8 janvier 2020. Eh bien aujourd'hui, on va faire un peu un tour de France, enfin un tour de France qui va aller de l'ouest au sud, on va dire. Donc c'est plutôt une diagonale, on va dire ça comme ça, une diagonale. Et on va continuer à parler du mouvement contre la réforme des retraites. Alors aujourd'hui quand même, on est au 35e jour de grève. Et justement, pendant cette heure d'émission, on aura deux intervenants, enfin un intervenant et une intervenante de régions différentes. Et avec eux, on pourra faire un peu le point où en est la grève. Que dire, c'est que bien à Paris, ben, c'est toujours aussi mobilisé, en région parisienne aussi. Il y a eu la rentrée au niveau de l'éducation nationale. Demain, ça sera un grand moment de mobilisation, ce 9 janvier. Et bien, ça va donner un petit peu le tempo pour la suite de cette grève qui s'annonce assez suivie. Et on espère, on croise vraiment les doigts, que le privé puisse rentrer dans la danse. Eh bien, on a déjà notre premier intervenant. Salut à toi, Jean-Michel. Ouais, salut tout le monde. Salut, bonne année, hein. Bah, bonne année, hein, et bonne année de lutte. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire, ça commence très fort. Donc tu nous appelles de Saint-Nazaire et tu es enseignant. Oui, tout à fait. Ouais. Je suis à Saint-Nazaire, donc je suis enseignant à Saint-Nazaire. Donc c'est pour tout te dire, bah, c'était la rentrée, hein, tu vois bien, les enseignants étaient partis en vacances, même si certains ont continué à faire quelques actions, hein, notamment la deuxième semaine des vacances, donc la première semaine de janvier, devant la raffinerie de Donges. Ouais. Et puis là, on est en train de préparer hein, la grève du neuf, là, qui s'annonce plutôt bien suivie, quoi. C'est une journée d'action qui risque d'être assez marquée, hein. Ouais, ouais. De toute façon, c'est ça. On n'est pas dupes. Hein. On sait que c'est le ministère et puis le gouvernement nous attend au tournant. Donc nous, on est prêt à lui montrer qu'on est toujours là et que évidemment, on n'est que sur une reprise de mouvement et puis va falloir y aller franco, quoi. Ouais. On va revenir un peu on va revenir un tout petit peu en arrière. Comment ça s'est passé à Saint-Nazaire depuis le début du mouvement, c'est-à-dire le 5 décembre 2019? Alors, Saint-Nazaire, ce qui s'est passé depuis le 5 décembre 2019, ben, tout simplement, on a eu des manifestations hein, qui n'ont pas été extrêmement importantes hein, pour Saint-Nazaire. Hein. Je rappelle, hein, Saint-Nazaire, c'est une ville de 70 000 habitants. Hein. Moi, quand je discutais avec les gens, ça faisait peut-être 15 ans ou 20 ans qu'on n'avait pas vu des manifestations aussi importantes à Saint-Nazaire, hein, au-delà de 10 000 personnes. Le 5, c'est continué, hein, en tout cas en termes lors des grosses journées, des grosses manifestations comme ça. Donc ici sur Saint-Nazaire, la spécificité, c'est qu'on a Airbus et aussi les chantiers de l'Atlantique, donc la construction navale. Ouais. Donc là-dessus, lors des grosses journées, le privé était un peu moins reconductible. C'est-à-dire qu'il y a quelques ouvriers, quelques techniciens qui étaient reconductibles, mais pas beaucoup, mais en tout cas très présents hein, sur les grosses journées de mobilisation. Autre chose, hein, nous on a fait des tractages le matin là, à l'embauche à 5h du matin et quand on tracte notamment au chantier, tout le monde est d'accord et tout le monde trouve que ces réformes dégueulasses et il n'y a pas que les réformes, hein, aussi tout le gouvernement, quoi. Ouais. Les manifestations, comment ça se passe ? Parce qu'à Paris, c'est assez intéressant, puisque les gens à Paris ne viennent pas forcément avec leur banderole syndicale, mais plutôt avec ou leur dépôt ou leur ligne de métro. Comment ça se passe, justement, les manifestations à Saint-Nazaire ? Alors, Saint-Nazaire, c'est particulier. Hein. Ici, on reste dans un endroit où il y a encore beaucoup d'industrie et de la grosse industrie lourde. Donc, tu as encore une présence syndicale très, très forte. Donc, très concrètement, hein, l'empreinte de la CGT sur le coin est importante. Et donc, quand ça défile quand même pas mal. C'est beaucoup de défilés autour des drapeaux, avec aussi un truc qui est important sur Saint-Nazaire, c'est que Saint-Nazaire, c'est aussi la ville où il y avait la maison du peuple hein, pour les gilets jaunes. Ouais. Et donc la jonction était évidente et s'est faite dès le début entre les gilets jaunes et les gilets rouges, quoi. On va dire ça comme ça. Et les gens qui sont sans gilet aussi. Ouais, il y a un rapprochement qui s'est fait. Et ça, c'est on le voit aussi sur Paris. Ça, c'est vraiment intéressant que tout ça puisse fonctionner ensemble. Alors, ça veut dire des manifestations quand même assez fournies, j'imagine, pour le coup. Oui, tout à fait. Ouais. Et comment un peu les gens dans les manifestations, comment ça s'organise, comment se font ces manifestations, comment elles se passent? Nous, ça reste des... je te dis, il y a une spécificité. Nous, ça reste quand même des manifestations, on va dire, elles ne sont pas speed hein, sur Saint-Nazaire. Hein. C'est moins le cas sur Nantes. Hein. Premièrement, parce que c'est, je te dis, c'est très syndiqué. Oui. Et puis, les flics qui ne veulent pas trop se friter aussi avec les gars des chantiers. Il y a ça aussi. Il y a quand même des... L'histoire locale est quand même marquée par des grosses luttes et quand ça se met en colère, ça se met très fort en colère. Donc, ouais. Il y a ça. Et il y a aussi peu de présence policière. Nous, il n'y en a quasiment pas. D'accord. Ça s'explique comment, ça ? Ça s'explique tout simplement parce qu'on est Saint-Nazaire, c'est pas la préfecture. D'accord. La sous-préfecture de Loire-Atlantique. Donc ça s'explique par ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les lieux de pouvoir régaliens très importants ici. Il y a la sous-préfecture, mais bon, on a un sous-préfet. Ouais. Personne, voilà, ça sert à rien, quoi. Vous n'avez pas, pas l'allemand comme nous, quoi. Ouais, voilà, vous avez pas, on n'a pas l'allemand comme vous, on n'a pas comme vous l'ensemble des ministères, on n'a pas comme vous l'ensemble des sièges sociaux des grandes entreprises. Hein. Voilà, vous avez quand même le siège social de BlackRock, hein, si j'ai pu voir. Tout à fait. Les cheminots sont allés faire un petit tour. Ouais. Bon, il y a plein d'autres cibles, hein, il y a plein d'autres sièges sociaux, hein, je dis ça comme ça, mais bon, je pense que vous ne créez pas d'imagination. Et nous, sur Saint-Nazaire, ce n'est pas le cas. Ouais. Par contre, bon, il y avait eu à la boule là, à côté, il y a une des boîtes du patron du MEDEF, Vaux de Bézieux, il a une boîte dans le coin. Ah. Bon, ouais, bon, elle a, voilà, bon, elle a subi une panne électrique, hein, absolument inconnue, au mois de décembre. Je ne sais pas si elle va pas, risque pas de, d'avoir d'autres difficultés techniques. Une coupure ciblée. Pardon ? Une coupure ciblée. Oui, bah, je ne sais pas, sans doute. En tout cas, il n'y a que lui qui était touché. Ah. On imagine. Bon, bah, bref, c'est, y a ça. Mais sur, sinon, là, ici, maintenant, y a la, là, on a eu une réunion, réunion interprofessionnelle sur l'organisation. Donc, ça s'organise, c'est assez intéressant, ça. Ça ne s'organise pas en intersyndical ici, ça s'organise en interprofessionnel. D'accord. C'est-à-dire que donc, dans l'interprofessionnel, il y a l'ensemble des syndicats hein, du coin. Mmh. Des UL, donc il y a l'UL, l'Union Locale CGT, l'Union Locale Force Ouvrière et FSU, et Solidaire, qui sont là, mais c'est ouvert à tout le monde. D'accord. C'est-à-dire qu'on va, et notamment, et il y a les gilets jaunes qui sont là. Hein. Ouais. Et donc on va, et puis ça discute, hein, ça discute des actions, des tout simplement, hein, par exemple, sur les, même les cortèges et les le déroulé de manif, le... et discuter tous ensemble, hein, c'est notamment le défilé, où est-ce qu'on passe, qu'est-ce qu'on fait, etc. Ouais, des AG quand même donc assez fournis, du coup. Bah, c'est des AG assez fournis, on va dire, c'est à hauteur, faut pas, je vais pas raconter n'importe quoi, hein, non, non, c'est, à hauteur de, c'est à hauteur du, de la mobilisation du coin. Ouais. Donc ça varie, hein, c'était assez fourni là au mois de décembre, un peu moins fourni les dernières, ouais. Là. Mais que moi, je vais ça plutôt sur le compte de la trêve des vacances, quoi, ouais. qui a fait effectivement un effet démobilisateur, mais qui va là, on a, il y a une autre interprofessionnelle après la manif là de jeudi, donc je pense que l'interpro sera fournie. Et puis là, il y a des actions qui sont prévues, notamment en direction des grosses boîtes du coin, notamment pour les bloquer. Mmh. Tu parlais de la raffinerie au début à Donge. Est-ce que ça a commencé un petit peu à bloquer au niveau de la raffinerie ? La raffinerie est à l'arrêt pour 96 heures pour l'instant. D'accord. Oui, c'est dans le cadre de les 3-4 jours d'action. Là, voilà, en fait, ça a été voté sur la raffinerie. Il faut savoir qu'ils sont obligés. C'est assez compliqué d'arrêter une raffinerie. On ne peut pas juste s'absenter du travail. Mmh. Donc en fait, parce que ça met en difficulté, ça risque, ça peut mettre en, il y a des problèmes de sécurité très importants sur les raffineries. Ouais. Ouais. Donc quand il y a une se mettre en, on peut pas se mettre en grève sur le tas. Alors, on peut pas avoir. Donc quand les raffineurs se mettent en grève, c'est qu'ils sont sur les grèves majoritaires. Il faut avoir ça en tête. D'accord. C'est pas 3-4 pélos. C'est-à-dire que ça a été voté, il y a plus de 50% des salariés qui sont d'accord pour se mettre en arrêt. Donc c'est ce qui se passe ici à Donge. Il y a une AG qui a été votée, donc ils ont voté l'arrêt. Donc là, il n'y a plus rien qui est raffiné à la raffinerie de Donge. D'accord. Donc ça, c'est, voilà. C'est quand même assez intéressant pour la suite parce que... Ah, oui, vas-y. Parce que c'est intéressant parce que là, ils s'arrêtent 96 heures, mais en fait, quand on s'arrête 96 heures, le redémarrage d'une raffinerie, c'est pas... On ne rouvre pas une valve. Hein. Ouais. On n'appuie pas sur un bouton pour redémarrer une raffinerie. C'est assez compliqué. Il y a un processus qui doit... Il y a un processus qui peut être long. Hein. Mmh. Un arrêt total. Là, c'est l'arrêt du raffinage. Donc, c'est pas l'arrêt total de la raffinerie. Là, mais un arrêt total d'une raffinerie, ça met une semaine. Pour arrêter une raffinerie, ça met une semaine. Ouais. Donc, le redémarrage, ça met une semaine aussi. OK. Ouais, donc c'est ça. Oui, il y a effectivement un processus qui doit être enclenché, que ça soit bien, que ce soit pour l'arrêt ou pour la reprise. Pour l'arrêt ou pour la reprise. Donc dès qu'il s'arrête, même la reprise est longue. Hein. Oui. Faut être clair. Et déjà là, il y a eu des au niveau de la raffinerie de Donge, hein, les camions citernes qui, il y a ces derniers temps, il y avait peu de camions citernes qui sortaient, quoi. D'accord. Ils avaient rempli les cuves, mais ils servaient pas trop les camions citernes. Alors. Ça variait selon les jours. Alors, je crois comprendre, hein, que dans l'Ouest, il y avait quelques stations-service qui étaient un peu, en fin décembre, qui étaient un petit peu en rupture d'essence. Alors, est-ce que c'est dû à la grève ou alors les gens qui viennent pour mettre de l'essence dans leur voiture ? Après, c'est difficile aussi peut-être à déterminer. Ouais, en fait, il y a des sur les. Je peux pas dire là-dessus. Moi, par contre, au mois de décembre, effectivement, il y avait pas mal de stations-service qui étaient à sec, ouais. Genre dans l'Ouest, quasiment un tiers, hein, qui était à sec. Mmh. Donc ça a repris après au niveau des vacances de Noël, mais là je sais pas, mais j'imagine que j'imagine qu'il va se passer ça. De toute façon, les stations sont pas servies. et les gens vont paniquer, donc ils vont aller prendre le stock. Ouais. Et donc, est-ce qu'il y a... Oui, vas-y, excuse-moi, je t'ai interrompu, vas-y. Ah, non, mais après, moi, je vais faire... Voilà, ça fait partie de... Comme il faut augmenter le rapport de force, ça fait partie de l'augmentation du rapport de force avec les, avec le gouvernement, hein. Tout à fait. Il faut savoir que, par exemple, nous, dans l'éducation nationale, même, bon, nous, sur on s'arrête de travailler, il se passe pas grand-chose, mais là, les discussions, elles vont au-delà juste des arrêts de travail, hein, ou des manifestations. Là, la question, maintenant, c'est de bloquer les examens. D'accord, ouais. Voilà, donc il faut augmenter le rapport de force. Donc là, la question qui est en train de se poser et qui est en train d'émerger dans la tête des gens, c'est que si le gouvernement est sourd, nous, notre travail, c'est de délivrer des diplômes et de faire passer des examens, ben on ne va ni délivrer de diplôme, ni passer d'examen. Puis Blanquer a lâché un peu de choses un peu pour les recteurs et rectrices, apparemment, là, début au mois de janvier, le 2 janvier. Ouais, mais Blanquer, c'est un gros mythomane. C'est assez hallucinant de voir l'ambiance dans les salles de classe, dans les salles de profs, pardon. Ouais. Les salles le ministère est complètement délégitimé, plus personne ne croit à ce qu'il raconte. Mmh. Dès qu'il dit un truc, tout le monde pense le contraire de ce qu'il dit. Mmh. Donc Jean-Michel Blanquer ne représente que lui-même. Ouais. Il peut raconter tout ce qu'il veut, tout le monde sait que c'est un menteur, un mythomane. Mmh. Qu'il apporte aucune solution au problème, d'ailleurs, qu'a posé le gouvernement, quoi. Le gouvernement fait un problème, puis après, il dit qu'il a peur des solutions. Mmh. Il raconte n'importe quoi, il ne nous intéresse pas, ce bonhomme-là. Ouais. Est-ce que, comme ici en région parisienne, pendant les vacances, même si effectivement les profs étaient en vacances, est-ce qu'ils sont venus sur des piquets, des choses comme ça? Nous, on a vu ça en région parisienne. Est-ce que c'est un petit peu la même chose chez vous? Ah bah oui, c'est clair. On est vraiment quand on est... On est sur une grève interprofessionnelle public-privé, oui, ouais. ça c'est clair. Hein. D'accord. Aussi bien, là, on a fait des manifs où les profs allaient voir les tribunes à l'hôpital qui est en grève depuis 9 mois, donc on est allé voir l'hôpital. Aussi bien, on est allé voir, il y a eu des diffs de tracts, je te dis, à 5h du matin, il y avait plein de profs qui étaient là pour diffser des tracts sur les chantiers. Et réciproquement, ce matin, par exemple, tu avais les gars des chantiers qui diffusaient des tracts dans les lycées, quoi. D'accord. Et au niveau des IUT, donc c'est... Ouais, non, là-dessus, c'est clair, il n'y a pas de division autour de ça, et tout le monde sent bien qu'on est sur une bataille qui dépasse de très loin. C'est le problème des retraites, mais ça va au-delà, c'est la politique du gouvernement, c'est le néolibéralisme, et au-delà de... Voilà. Alors, on le répète ici, hein, mais c'est ce qui est intéressant, c'est que si jamais on les fait reculer là-dessus, ça donnera quand même beaucoup plus d'énergie pour la suite, quoi. Ah ben, c'est ça. Ah, ça, c'est clair. Et s'il y a... Ce qui est intéressant, moi, c'est le degré de... Le mouvement, il allait très vite. C'est parti sur la retraite et tout de suite, les gens ont mis en cause le gouvernement, la politique du gouvernement et le néolibéralisme. C'est-à-dire que le degré de conscience politique de tout le monde hein, est très élevé. Hein. Vraiment, moi, je suis... Les âgés, hein, directement, ça parle des retraites et puis directement, ça parle... Bon, ben, en fait, les retraites, c'est le problème. C'est la partie émergée de l'iceberg et puis nous, on veut pas négocier la taille de l'iceberg. Ouais, non, c'est ça. Et moi, nous, on voit bien en région parisienne, même dans les transports, bien sûr, ici, ça bloque et tout ça. Mais il n'y a pas foncièrement de gens qui disent « Ah, c'est privilégié, ils nous font chier, ils bloquent et tout ça ». On sent que même si les gens ne sont pas grévistes, ils ne sont pas non plus dans une espèce de truc comme ça. Parce que je pense que beaucoup de gens comprennent que cette histoire de retraite, ça, si on se rate là, tout le monde va prendre assez cher, quoi. Ah ben tout le monde est conscient de ça. Hein. Ouais. Mais moi, quand on discute avec les collègues, il y a des choses toutes bêtes. Hein, nous, quand je dis Jean-Michel Blanquer, personne ne le croit. Quand il dit que, par exemple, nous, il va augmenter les profs pour compenser. Ouais. En fait, en faisant des calculs hein, de niveau CM2, ouais. Ne serait-ce que pour éviter la baisse du pouvoir d'achat des profs sur la période de la mise en place de la réforme, il faudrait qu'il augmente l'ensemble des profs de 25%. Ouais. Je ne dis pas pour leur augmenter leur salaire, pas pour compenser l'effet de la retraite, juste pour compenser l'effet de l'inflation. Mmh. 25%. Ouais. On sait très bien que nous, ça fait en tout cas chez les profs, ça fait depuis 2010, mais c'était vrai un peu avant, que l'inflation n'est plus compensée. C'est-à-dire que le pouvoir d'achat de l'éducation nationale, en tout cas, diminue régulièrement. Ouais. Donc, il faudrait qu'il nous augmente de 25%. En fait, on fait les calculs ont été faits. Là, ils proposent une augmentation de 10 milliards. Et pour compenser l'inflation, il faut 14 milliards. D'accord. Ouais. Donc, c'est assez simple. Ils proposent simplement de négocier la baisse du salaire réel. Ouais. Sans compter, en plus, la baisse des pensions. Ça a été calculé, c'est entre 300 et 900 euros pour les profs. Oui, là, on sent effectivement qu'ils sont un petit peu un peu à la ramasse. Et puis là, on le voit sur l'histoire des retraites, ils essayent de mettre dans leur poche la CFDT en leur accordant, peut-être en enlevant une virgule, ça ira peut-être pour eux. On sent que le gouvernement, là, est un petit peu à la ramasse. Mais en même temps, on voit qu'ils font vite puisque le projet de réforme contre les retraites a été hier proposé au Conseil constitutionnel. Donc c'est assez étrange comme manœuvre parce que si on reste dans leur espèce de paradigme assembléiste, ça doit être présenté au Conseil des ministres et ensuite à l'Assemblée nationale. Et là, du coup, ils font un espèce de truc inverse, c'est-à-dire qu'ils le présentent déjà au Conseil constitutionnel. Alors, est-ce qu'on ne va pas avoir un 49-3 qui va débarquer un petit moment? Donc c'est assez, leur stratégie est assez étonnante, on va dire. Ouais, en fait, ils veulent... Faut être très clair, il n'y a pas de négociation. Non. C'est-à-dire que quand ils disent qu'il y a des négociations, il n'y a pas de négociation. Il y a eu les comptes rendus, là, des débats sur les deux ans de négociations avec les syndicats. Il y a eu des comptes rendus qui sont sortis dans la presse. Le projet n'a pas bougé depuis le début. Ouais. Donc, en fait, ils ne sont pas dans les négociations, ils sont dans le spectacle de la négociation. Ils font croire qu'ils négocient alors qu'ils ne négocient rien. Donc, c'est pas étonnant, en fait, qu'ils envoient ça au Conseil constitutionnel, parce que non, rien à battre. Parce que ça ne les intéresse pas de négocier. Et puis, de toute façon, il n'y a rien à négocier. Mais non. Nous, on ne demande pas de négociation, on demande le retrait. Ouais. Donc, nous, on négocie rien. Mais non, non, ça... Il y a absolument... Donc, après, il peut dire... Il peut raconter n'importe... Enfin, à peu près tout et n'importe quoi. Par contre, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que leur réforme n'est pas... Le financement de la réforme n'est pas fait. Ouais, ils sont dans l'incapacité aujourd'hui de savoir comment ils financent la réforme. Mmh. Parce que sur les bases qu'ils donnent, il manque par an, hein, c'est pas par pas sur la totalité, mais il manque par an 70 milliards de financement. Ouais. Parce qu'en fait, il y a une baisse des taux de cotisation moyenne. Ouais. Donc il manque 70 milliards, ils sont incapables de les trouver, ces 70 milliards. Ouais. Ça veut dire que s'il manque 70 milliards, c'est-à-dire que les baisses qu'on anticipe seront beaucoup plus importantes qu'on est en train d'anticiper. Et puis, on sent bien aussi, tu parlais de BlackRock tout à l'heure, on sent bien que tous ces fonds de pension, pas seulement américains d'ailleurs, parce que bon, on se focalise sur celui-là parce qu'il est américain, mais il y a les Français aussi. Hein. Les principaux fonds de pension en France, c'est... Il y a plein de noms différents, mais ils sont gérés en grande partie par le Crédit Agricole Asset Management. Crédit Agricole Asset Management, qui, je pense, doivent avoir une petite tour à la Défense. Ouais. Qui sont un des gros, le Crédit Agricole Asset Management, qui sont le gros gérant de fonds de pension, de capitalisation et gestion de patrimoine en France. Mmh. Derrière, il y a à peu près toutes les banques qui le font. Hein. La Société Générale, je regardais ça hier, s'est replacée là-dessus. Et en fait, toutes les banques. Il faut savoir que, en fait, les banques, elles se plaignent depuis des années de plus pouvoir faire d'argent. Oui. C'est-à-dire que, comme les taux d'intérêt sont bas, elles font plus assez d'argent. Donc, d'avoir, même si on fait plus, si on fait plus assez d'argent, on en fait toujours un petit peu. Mmh. Donc, il faut pour elles qu'elles arrivent à accumuler un peu plus de fonds à gérer. Et donc, il faut penser, en fait, la réforme des retraites, c'est aussi lié au secteur bancaire qui se plaint, à un ancien banquier, donc qui a plutôt l'oreille attentive. Et oui. Alors, ce 9 janvier, comme partout en France, il va y avoir de grosses mobilisations, on peut imaginer. Comment tu vois, toi, cette journée du 9 novembre pour Saint-Nazaire ? Du 9 janvier ? Oui, 9 janvier, c'est ça. 9 novembre, je rappellerai qu'on sera encore en lutte, mais j'espère qu'on aura fait plier avant. Ouais. Et moi, je vois ça comme une grosse réussite. Ouais. Déjà, en fait, moi, je pense que déjà, c'est d'avoir un mouvement qui dure comme ça, c'est déjà une grosse réussite. Mm. Donc moi, je le vois comme une grosse réussite. Il faut savoir que nous, à Saint-Nazaire, donc le 9, on est il y a manif, après, il y a nous, il y a des AG, il y a AG du bassin nazarien éducation nationale, après, il y a des AG interpro, et donc il y a plein de choses qui vont se passer dans la journée. Ouais. Nous, le 10, on bloque Airbus. D'accord. Pour savoir, hein, on va bloquer Airbus. Ok. À partir de... Voilà, c'est des actions qui sont publiques et qui sont prévues, hein, des 4 heures du matin. Ouais. Le samedi, il y a Romanis, et après, on va soutenir les cheminots ici dans le coin, parce qu'il y a un gros dépôt à Savenay, donc on va les soutenir à Savenay début de semaine prochaine. Donc, nous, on est parti, en fait, ça y est, c'est parti sur des séries d'actions de mobilisation, et on arrête d'être coup par coup. On va durcir le mouvement. Bon, bah, très bien. Super. Bon, bah voilà, pour ceux et celles qui nous écoutent, qui sont dans la région et qui ont envie de vraiment de pouvoir soutenir les actions, bah, c'est le moment. Il faut monter le curseur, quoi. Ouais. Voilà. Ouais. La grève, c'est bien, mais va falloir aller ouais. au-delà parce qu'ils comprennent. Mais avec le rapport de force, hein. Ouais. Il y a que le rapport ouais. de force. Non, mais les gens, ils l'ont dit, hein. Macron, on va aller te chercher chez toi. Ouais, on va aller te chercher. C'est pas démission, tu vas dégager. Ouais. Eh bien, écoute, Jean-Michel, je te remercie. Ouais, ça marche, ouais. Et puis, bonne journée à toi. Ouais, ça marche. Ciao. À bientôt. Eh bien, on est de retour dans le magazine Libertaire et ça va être le moment de passer aux annonces. Donc, je vais commencer aujourd'hui par quelque chose qui est en train de se passer en ce moment. C'est une AG à l'Amphi 500 Yves à Nantes. Et je vais vous lire l'appel. Fini de rire, un mois et demi de grève avec des étudiants et étudiantes quasi absentes, avec pour semi-excuse les examens. Les examens se terminent cette semaine, il est donc temps de réfléchir à la façon dont nous attaquons la semaine qui vient. 2 mois que la communication est faite sur la fac. 2 mois que partout sur les réseaux, à la télé, chacun chacune entend parler de la réforme des retraites en cours, des problématiques environnementales, de celles des précarités. Personne ne peut plus prétendre ne pas être au courant. Nous allons dans le gouffre. C'est l'heure de faire parler les colères, de monter au créneau. La fin du monde est déjà programmée. En rayant la machine, place à l'action. Étudiants et étudiantes, organisons-nous. Grève, blocage, sabotage. Donc ça se passe depuis 12h15, aujourd'hui même, à l'Amphi 500 Yves, à Nantes. Alors, aujourd'hui, à Nantes, donc, il y a une conférence débat opération Destocamine au sujet d'enfouissement de déchets et pollution de la plus grande nappe phréatique d'Europe. Donc, c'est aujourd'hui à Nantes, donc mercredi 15 janvier à 20h30, à la manufacture des tabacs. Il y aura aussi une conférence débat à Saint-Père-Henri demain, jeudi 16 janvier, à l'annexe de la mairie, place du marché à 20h, et à Saint-Nazaire, le vendredi 17 janvier, à 20h, à l'Agora, avenue demain. Donc, en 1997, l'État a autorisé l'entreprise Stocamine à enfouir 320 000 tonnes de déchets chimiques ultra-toxiques à 600 mètres sous terre en Alsace. Le chantier devait durer 30 ans. Les techniciens, les scientifiques de Stocamine certifiaient que le sous-sol est mécaniquement et sismiquement stable, le sous-sol est et sera épargné par la circulation de l'eau. La réversibilité, c'est-à-dire la possibilité d'ôter les produits en cas de problème, donc sera assuré et l'argent est déjà bloqué pour assurer cette réversibilité. Ce projet était présenté comme un renouveau pour le territoire alsacien avec création d'emplois, subventions, pôle d'excellence environnementale, etc. En 1999, débute l'enfouissement malgré l'opposition des associations. En 2002, soit 3 ans plus tard, un incendie éclate et dure plusieurs mois, car à 600 mètres de profondeur, les pompiers ne peuvent pas intervenir. En 2003, les galeries commencent à s'effondrer. L'association Destocamine et d'autres militent pour le déstockage de tous les déchets, comme le prévoit la loi. De nombreuses autorités locales et régionales ont voté pour ce déstockage complet. Depuis, l'État refuse ce déstockage qui est pourtant prévu. En 2020, il y a 42 000 tonnes de déchets. Et l'État sait que ces déchets chimiques migreront dans la plus grande nappe phréatique d'Europe. Donc, je rappelle, c'est à pour Nantes, c'est ce soir, le 15 janvier à 20h30, à la manufacture des tabacs. Et vous pouvez avoir des informations sur destocamine.fr. Alors là, je vais vous parler d'une rencontre débat, pour elles toutes, femmes contre la prison. Comprendre comment s'est tissée notre dépendance au système pénal est un long est un travail long et minutieux. Il faut détricoter de ce côté-là pour pouvoir de l'autre tisser ensemble féminisme et abolitionnisme pénal. Parce que féministe tant qu'il le faudra et abolitionniste tant qu'il y aura des prisons. Les luttes féministes et les luttes pour l'abolition du système pénal et de la prison sont souvent présentées comme antagonistes. Le présent ouvrage vise à délier ce nœud en explorant les formes de protection que les femmes peuvent ou non attendre du système pénal et en mettant en lumière les manières dont celui-ci affecte leur existence, qu'elles soient incarcérées ou qu'elles aient des proches en prison. Le système pénal protège-t-il les femmes? Que fait-il aux femmes qui y sont confrontées? Faut-il inscrire les luttes féministes sur le terrain du droit? En répondant à ces questions, Gwenola Ricordo dénonce la faiblesse de la proposition politique des courants féministes que promeuvent des réponses pénales aux violences contre les femmes. Critique du féminisme carcéral, elle plaide pour des formes d'autonomisation du système pénal. Donc voilà, c'est une rencontre débat pour elle toute, Femmes contre la prison. Ça se passe aujourd'hui à partir de 19h30 à la librairie Vent d'Ouest, 5 place du Bon Pasteur à Nantes. Alors toujours à Nantes, donc il y a vendredi 17 janvier à 13h30 à B17, 17 rue Paul Bellamy. Il y a une seconde rencontre, comment sortir du travail. Il y avait une première rencontre, on l'avait annoncé ici, il me semble que c'était début décembre. Donc, c'est début d'année, les luttes continuent contre cette réforme des retraites et son monde. On le voit, il n'est pas si évident de construire une grève générale dans une société précarisée. Une sortie massive de l'emploi nous semble une solution pertinente pour grossir les luttes et créer la grève générale. Et nous voici plus que jamais motivés pour construire ce guide de sortie de l'emploi. Donc, la première rencontre, il y avait une présentation du projet, un échange sur les bases du guide, échange sur l'organisation et format du guide. Il y a possibilité de télécharger le compte-rendu des échanges. Donc, sur un lien qui se trouve au niveau de l'annonce que j'ai prise sur nantes.indimedia.org. Et pour cette deuxième rencontre, il est proposé donc une organisation de quelques points à trancher, format du guide et la manière d'animer sa production pendant environ une heure, une réalisation du guide et des contributions. Donc commencer à partager nos expériences et comment on s'en sort individuellement et collectivement pour sortir de l'emploi. Donc ça c'est vendredi à partir de 13h30 à B17, 17 rue Paul Bellamy à Nantes. Alors, je peux continuer. Moi, j'ai une autre annonce qui se passe pas du côté de Nantes, mais du côté de Vaux-en-Velin. Donc, c'est dans la région lyonnaise. C'est samedi. Il y a une journée et soirée contre les violences et crimes policiers. Donc, samedi 18 janvier, à partir de 14h, dans un lieu qui s'appelle le Grand Zéro, 60 avenue de Bolène, à Vaux-en-Velin. Donc, il est rappelé qu'à Vénissieux, le 11 décembre 2016, Mehdi, 28 ans, venait de fêter la naissance de sa fille et est rentré en scooter à Vaux-en-Velin avec deux amis. La police veut le contrôler, il meurt. En sa mémoire, pour faire le point sur l'affaire et pour que le combat continue, le comité Vérité et Justice pour Mehdi vous invite à une journée-soirée contre les violences et crimes policiers. Donc à partir de 14h30, il y aura une conférence débat avec rediffusion en direct sur Radio Canu, donc jusqu'à 17h. Et ceci avec les comités justice et vérité pour Mehdi, comité justice et vérité pour Bilal, comité justice et vérité pour Wissam et d'autres comités de famille, ainsi que Rachida Brahim, sociologue et auteur de La race tue deux fois, et de Samir Baloudj, militant des quartiers populaires, notamment à Bouge qui bouge, au mouvement de l'immigration et des banlieues et au forum social des quartiers populaires. Donc un moment de rencontre et d'échange qui permettra de faire le point sur l'affaire des différentes familles de victimes présentes et de mettre en parallèle leur combat avec la mémoire des luttes contre les violences et crimes policiers et sécuritaires, mais aussi avec le racisme et la ogra policière et judiciaire au quotidien. À partir de 17h, démo et atelier boxe pour un moment d'éducation populaire par le sport. L'Amicale du combat libre de Lyon et l'Association des prolos combatifs de Saint-Étienne vous propose une démo et un atelier découverte de boxe. À partir de 18h, donc open mic, et à 21h, concert. Et voilà, l'entrée est à prix libre. Et donc, c'est organisé par le comité Vérité Justice pour Mehdi. Et tout au long de la journée, il y aura aussi des graphes, une expo, des tables de presse à boire et à manger. Et du côté du mouvement social, il y a un rendez-vous ce soir à 17h30 à Bouffay pour une manif au flambeau. Et une manif demain, grosse journée de manif avec un rendez-vous à 10h30 au miroir d'eau. Et nous, on va rendre l'antenne avant de se retrouver. On se retrouvera la semaine prochaine à la même heure. Et on va passer l'antenne en fait à La Centrale, qui est un collectif de radio, de web radio et de collectifs sonores qui ont mutualisé leurs moyens pour donner la voix aux acteurs et actrices du mouvement social. Donc, ils ont commencé aujourd'hui à émettre à midi. ils finissent d'émettre à 16h. Donc ça va sûrement, quand on va rendre l'antenne, vous allez arriver en cours de quelque chose qui est déjà en cours, donc ne vous inquiétez pas. Et la centrale, donc aujourd'hui vous pouvez l'écouter sur Jet FM et sur plein d'autres radios. Et vous pouvez aussi écouter la centrale sur causecommune.org. Et pour savoir à quel moment cette radio émet, parce qu'elle n'émet pas toujours, enfin ces différents collectifs émettent parce que c'est pas toujours, vous pouvez aller sur le site acentrale, acentrale.org. Et ben on se dit au revoir au Maglib. Ciao. Au revoir. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.